C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Et nous avons une petite surprise pour toi, Alizé. Sache que tous les matins, il y a Sébastien Loeb ici présent. Hein. Salut. Voilà, bonjour. Qui s'est mis en beau t-shirt canari ce matin. C'est vrai ? En mode Pikachu. En mais fait. Ouais, mais tu as bien raison. Et donc, qui nous fait tous les matins la déclaration express. D'habitude, c'est pour les auditeurs. Et là, ce matin, c'est une déclaration express pour toi. Oh. Attention. Essentiellement pour toi. Oui, bah, enfin, que pour elle. Ouais, bah, attention, t'as pas écouté les paroles encore. Oui, non, tu ne connais pas encore. Alors, vraiment le. Mais c'est passé personnage. Par la censure, c'est-à-dire Julie Lavarone. Donc, normalement, on devrait bien s'en sortir. Ça devrait aller. On y va, attention, c'est parti. Je mets la musique ? Oui. Allez. C'est beau. Ah oui, magnifique. Tu sais, c'est super rare que je regarde RTL. Pourtant ce soir-là, je l'ai fait. Et je venais juste de terminer de faire la vaisselle. Y'avait 10 meufs en maillot de bain, c'était toi la plus belle. Et directement j'ai voté par SMS et j'ai même laissé mon numéro tel. Depuis 2007, j'attends sans cesse que tu me rappelles, car j'en ai envoyé blindé pour que tu me rembourses ma facture Mobistar. Parce que t'es trop belle, je suis à la Banque Nationale, à la Banque Nationale, à la Banque Nationale. Et mon compte en banque se vide plus que ce qu'il n'avale, vide plus que ce qu'il n'avale. Oh putain, ça fait mal. La na la na la la na la na la na na la na la. Je crois qu'on peut arrêter là. En tout cas, le pauvre, il s'est lancé dans son la-la-la et il s'est rendu compte que, à part moi qui avait lu le texte, personne ne savait qu'il avait fini sa chanson. Et on retiendra quand même le la-la-la-la-la-la. Et l'erreur également dans la chanson, oui, puisque oui, c'était pas en 2007. Mais bon, pour la rime, c'était mieux. Oh, oh, ouais, c'était connu, on va porter plate. Ah ouais, connu, ouais. Ça va. Ouais, connu, ah oui, Wikipédia, attends, Wikipédia n'est pas une référence. C'est vrai, c'est vrai, ce n'était pas moi, en 2007. Pas, je connais pas le net. Je crois que même Wikipédia n'a pas donné cette année-là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Enfin bref, bon, donc Alizé qui est donc. C'était mignon quand même, hein. Ah, quand même. Ah, c'était mignon quand même. Oh, tout ça pour avoir un bisou, non mais c'est quoi. Avec la langue. Quelle classe! C'est tout ou rien? Comme quoi, la chanson ça marche. Ah oui, il manquait plus que la guitare là, oui. Et hop là, l'affaire a été pliée quand même. On aurait pu mettre un feu de bois et puis on en parlait. C'est vrai, c'est vrai. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Et nous allons parler de Koh-Lanta maintenant. Et oui, Koh-Lanta, attention, je mets la musique de Koh-Lanta. Attention. Ah. On est relax. Tout de suite, ça va mieux. Je avec déjà les petite plages relaxation. De sable fin. Oui, mais il est arrivé un drame à Koh-Lanta. Oui, il est arrivé un drame. GG a été viré de Koh-Lanta. Oui, c'est ils ont viré GG. Il était tellement fort, franchement, le pauvre. Attends, il avait tout fait pour réussir. Il avait même été jusqu'à apprendre à nager pour faire Koh-Lanta. Bah, c'était ouais, justement ça le problème. Eh oui, mais malheureusement. GG, les aventuriers de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer. Et leur sentence est irrévocable. Mais oui, c'est dommage. Et pour sa dernière, Denis Brognard ne l'a pas épargné avec une dégustation relativement spéciale. Hein. Gégé a du mal à mâcher son œil. Cet œil, il veut l'avaler et pour l'instant, il ne passe pas. Ah oui, bizarrement, passe pas. Ah oui, bizarrement l'œil ne passe pas pour l'instant. Et donc là, notre Gégé, bah, il n'a pas aimé que les autres ne finissent pas. Quand on est une pavèche qui n'est pas foutu de bouffer un œil... Faut pas déconner, on a rien à foutre à Koh-Lanta. Voilà, on a rien à faire à Koh-Lanta. Quand on n'a pas foutu de bouffer un œil, franchement. Bah, c'est ça. Mais est-ce que, Julie, est-ce que tu vas manger un œil? Tous les matins, je mange un œil. Attends. Mais bon, il faut quand même le dire, c'est quand même GG qui s'est fait éliminer vendredi. Et c'est vraiment dommage parce que bah, il était bien, GG. Je suis arrivé sur l'île, je me suis mis en symbiose avec la nature. Je me suis pénétré dans cette île. La nuit, je dors presque pas. Je l'écoute, la nature. J'écoute l'ensemble. Ouais. Il a vraiment des pratiques étranges quand même, son sujet. Hein. Mais bon, après, s'il aime être pénétré par la nature, après tout, c'est son plaisir. Laisse-le faire. Mais, voilà. Mais bon, Koh-Lanta, ce n'est pas que des épreuves, pardon, où il faut repousser ses limites. C'est aussi un moment de philosophie. Ce principe, il est là. Ne faites pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas que tu te comptes fasses. Que tu fasses. On n'aimerait pas qu'on te fasse ce que les autres n'aimeraient pas qu'on te fasse. Ne fais pas aux autres ce qu'on n'aime pas. Ce que tu aimerais pas. Ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Voilà, donc il y a les ch'tis qui sont venus en même temps. Hein. Ouais, ch'tis, ils ont fait un mélange entre les ch'tis à Ibiza Koh-Lanta. Et Koh-Lanta. Bon, en tout cas, je voulais essayer les ch'tis à Koh-Lanta. C'est vrai. Beau, ça. En tout cas, je vous laisse méditer là-dessus avant d'aller au travail. Ce principe, il est là. Ne faites pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas que tu te fasses. Que tu fasses. On n'aimerait pas qu'on te fasse ce que les autres n'aimeraient pas qu'on te fasse. Ne fais pas aux autres ce qu'on n'aime pas. Ce que tu aimerais. Ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Hein. Ok, on va y réfléchir. Bonne méditation. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Max. Tous les matins, j'écoute cet enculé de Mickaël à la radio. C'est bon, mais quel enculé celui-là. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. Ouais, et à 7h47, nous allons maintenant nous faire le... La ligne anti-relou. J'allais dire le répondeur, mais en fait, oui, c'est un peu ça, mais c'est surtout la ligne anti-relou. C'est le répondeur des relous. C'est le répondeur des relous, exactement. Alors attention, nous avions écouté pas mal de messages tout à l'heure, évidemment, car oui, il y a beaucoup de messages sur la ligne anti-relou. Et la ligne anti-relou, c'est le 0-473-86-00-13, le numéro que vous devez connaître sur le bout des doigts, les filles. Je vous dis ça, car si un relou vous croise, il serait judicieux de connaître ce numéro sur le bout des doigts de manière à ce que le relou soit persuadé que c'est votre propre numéro. De manière à ce qu'il n'ait pas de doute, sinon il va continuer à vous faire chier, faut le savoir. Ah bah, et plus encore. Il faut le savoir, il faut le savoir. Bon alors attention, écoutons maintenant le premier message. Allô, bonsoir Fun Radio, bonjour parce qu'on est dimanche, 18h52, j'écoute Train de New York, c'est pour passer ce petit message d'amour à tout Fun Radio parce que je vous aime tous. Oui. Je vous aime. Au revoir. Ouais, merci, bah, dis donc. Bah lui, on lui a pas donné le numéro, mais par contre, il a bien fait d'être là. Ah bah, non. Il y avait que là qui pouvait appeler. Mais on le salue ou pas. Allez, message suivant. Oui, c'était Jean-Pierre. Bah, écoute, j'aurais bien voulu qu'on se voie, mais tu m'avais dit d'être attendre devant le café de la gare. Ça fait 1h30 que j'y suis. J'attends, je fais déjà mon 5e café, donc je commence un peu tout doucement à avoir marre. Est-ce que tu crois que pour un voir un jour quand même, parce que bon. Non, je pense que tu vas galérer. Ouais, bah, je pense aussi qu'il va galérer. Pendant longtemps. Et très longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un fidèle de la ligne anti-relou sans le savoir. Hein. Oui, c'est ça. Oui, il ne le sait pas encore. Ah, oui, il lit souvent des messages. Il n'écoute pas sa radio et c'est ça son problème. Visiblement. Troisième message, pardon. Cindy, comment est-ce qu'on va faire ? Ça fait 1h30 que je t'attends méchamment. Méchamment. Et bon, on avait dit qu'on allait se connecter via Bluetooth, c'est le bazar, c'est quoi ? Allez, j'ai un peu. Et tout le bazar. J'ai un peu avec ta petite robe verte là que t'avais mis. Et bon, et je t'attends, hein, sérieusement. On envoie la musique, hein, petite chérie. Allez, oh, bien sûr. Allez, on avance la musique, hein, petite chérie. Allez, hop, et oh. C'est là qu'on voit que le relou aussi pense que la meuf elle s'habille tous les jours pareil. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, elle pourra venir une deuxième fois avec sa robe verte, dit au passage. Mais enfin bon, déjà une robe verte. Bon, après, il faut voir. C'est oh, attends, les couleurs. Il faut voir, ouais, bien c'est sûr. C'est vrai. Bon, bien sûr, tu vois Alizé Poulitschek dans une robe verte, tu seras ravi. Oui, c'est vrai. Bah, c'est mieux sans robe, hein. Ouais. Oh, du. Bah, quoi, c'est vrai. Autant appeler un chat. Pas spécialement. C'est vrai que ça dépend, ouais. Non, mais c'est vrai, il y a des filles ou des garçons, parfois mieux vaut les voir habillés. Ouais, mais moi je me souviens de son défilé La Perla et ça me dérange pas de l'avoir. Ouais, on a bien compris, Toff aussi, également. Donnez-leur le numéro de la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. On vous passe les meilleurs messages. Mickaël, à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, excuse tes petits. Mickaël, à la radio. Bon, alors on appelle donc la communauté française. Et donc, il y a rien qui te choque là-dedans, Toff, des Flamands, en fait, de la communauté française, tout ça, bah, non? Non, moi je trouve que, tu sais, en cette période de conflit communautaire, il faut pouvoir s'ouvrir aux Flamands. Il faut accepter qu'ils reviennent parmi nous. Il faut leur tendre la main, hein, ouais. Aux Flamands. Oui, tendre la main ou prendre la tête, hein. La frontière n'est pas loin. Oui. Enfin bon, allez, on appelle. Allez, on avait appelé à Menin tout à l'heure. Hein, on va appeler dans le haut maintenant. On va appeler à Oudelem. Ah oui, c'est vrai, communauté française. Ou EDLM. Ah oui, EDLM. EDLM. Allez, c'est parti, on y va. On appelle maintenant en égout. Pronostic de réussite, Julie ? Échec et mat. D'accord, très bien. Mais non, le flamand va me faire la fête. Oui. Allô ? Peut-être pas à 7h du matin. Oui, bonjour, monsieur ! Je vous appelle parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de la communauté française et je voulais fêter ça avec vous. Excusez-moi, je ne parle pas français. Oui. Ouais. Alors, comment t'expliquer ? Tu viens de le dire en français, en fait. C'est ça. Excusez-moi, je ne parle pas français. Et bon. Par contre, mais tu peux apprendre une phrase par cœur, hein, ça c'est sûr. Oui, ça aussi, c'est vrai. Bon, on appelle encore une fois, allez. Monsieur Lévert, tellement gentil. Monsieur, allô. C'est pas grave si vous parlez pas français. Est-ce que vous comprenez ? Champagne ! Il a raccroché, ouais. Oh là là, c'était bref. Oh là on va le rappeler encore un coup, tu vois. Allez, hop là. Laissez-le tranquille. Oui, bonjour madame, c'est la fête aujourd'hui, c'est la fête des francophones. Vous êtes contente ? Non, c'est la nuit maintenant. C'est vrai, allez, on va fêter ça madame, allez, champagne ! Ouais, alors, allô ? Ah oui, allô, il est tout seul, hein. C'est fini. Bon, ben voilà, je crois qu'à Oudelem, on n'était pas les bienvenus. Hein. Mais oui, je comprends pas. Et c'est bien dommage. Moi, j'étais prêt à faire la fête avec elle. C'est vrai, c'est dommage. J'étais heureux, j'étais content. Mais oui, écoute, qu'est-ce que tu veux ? C'est tant pis, on essaiera tout à l'heure encore une fois, un petit peu avant 9h. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Hey, assalam alaikum, ici c'est Moussa Tamola. C'est moi ça. La famille, tous les matins, je suis avec Mickaël sur Fun Radio et croyez-moi, il pue vraiment de la gueule. Mickaël, à la radio. Fun Radio, on est ensemble, bande de cochons.